France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, venez. This is the proper. Voilà le décor approprié à la scène. Why, it's just an empty stage. Mais je ne vois qu'un plateau désert. À première vue, oui. Mais patientez. Un beau coucher de soleil. Des lumières vives dans un jardin. Nous ajoutons 500 000 kilowatts de poussière d'étoiles. Laurent Vallière, 42e rue. Come and meet those dancing feet. 42nd Street. Je déclare la 42e rue de France Musique ouverte. Gardez-vous bien de jeter la pierre aux opprimés. Ce monde est dur, il y fait sombre et froid. Songez à ceux dont la vie entière est faite de sang, de larmes et d'effroi. Ces quelques mots très actuels sont signés en 1928, Bertolt Brecht. Il referme l'opéra de Katsu, une œuvre créée en Allemagne, un succès dès sa création, signé par un jeune compositeur, Kurt Weill, et un poète dramaturge déjà aguerri et révolutionnaire, Bertolt Brecht. L'opéra de Katsu a immédiatement voyagé à travers le monde, de Broadway à Paris, ça a été monté à Paris, au Théâtre Montparnasse, en français, en 1930, et depuis, c'est l'une des pièces de théâtre musical les plus connues en France, les plus montées. Opéra éclaté, une compagnie de théâtre lyrique créée par Olivier Desbordes, propose une nouvelle production en langue française de l'opéra de Katsu qui tourne actuellement en France et s'arrêtera cet été au festival de Figeac, de Sorèze et de Saint-Céré. Eh bien, ce matin, la troupe nous fait le plaisir de s'arrêter sur la 42e rue, la petite rue de la comédie musicale de France Musique, pour un cabaret inédit. Et puis, nous vous offrirons une dernière fois aussi un aller-retour à Londres pour assister à une comédie musicale. Charlie et la chocolaterie, ça sera en fin d'émission. Pour le moment, je vous propose d'accueillir en direct au Studio 105 Flore Boixel, Ananda Setanen, Eric Pérez, Samuel Tess, Patrick Zimmermann, le metteur en scène Olivier Desbordes et la star Nicole Croisille qui ouvre ce cabaret 42e rue accompagné au piano par le directeur musical Manuel Peskine et à la contrebasse Alice Hoquet. Alors dans ce premier numéro, cette première balade interprétée par Nicole Croisille, je vous décris un petit peu la scène dans la mise en scène d'Olivier Desbordes. On assiste en théâtre d'ombre au méfait de cet homme, ce brigand sur drap en contre-jour, alors que Nicole Croisille entonne la fameuse complainte de Maki le surineur. C'est à vous, Nicole Croisille. Le requin, lui, quand il chasse, ses nageoires sont en sang. Mais Maki, lui, tu sens trace, car il porte des gants blancs. La mort rôde dans la brume, Maki traîne dans son haut. Réverbère qui s'allume, Maki serre son couteau. Casse-tête et matraque qui s'abattent et qui claquent. Le sang gicle, les os craquent, les corps tombent dans les flaques. C'est un homme qui s'écroule sans un cri, sans un râle. Mais une ombre dans la foule qui s'éloigne, c'est Maki. L'air entière brûle et vire, les pucelles mises à mal. Prenez garde, fille naïve, Maki rose. les balles qui égorgent, brûlent et pillent, qui massacrent ces maquis. En direct sur France Musique, Nicole Croisille, La Complainte de Maki le Surineur, adaptation en français de Jean-Claude Emery, avec au piano Manuel Peskin et à la contrebasse Alice Hockey. Voilà Nicole Croisille qui interprète dans l'opéra de Katsu la femme du roi des mendiants à Londres au XIXe siècle, Madame Pitchoum. Je vous propose un second extrait de cet opéra avant de rencontrer son metteur en scène Olivier Desbordes. Le voilà, Maki le Surineur, avec sa moustache mal rasée. Éric Pérez, dans une maison close, figurez-vous, en compagnie d'une prostituée qui va le dénoncer à la police. Elle s'appelle Jenny, elle porte des habits rouges, elle est incarnée ce matin par Flore Boixel. C'est une de ses chansons réalistes et cyniques, typiques de l'opéra de Katsu, sur une musique très légère, quasiment sud-américaine, La Ballade du Souteneur. En ce temps-là, il y a bien longtemps, nous vivions en ménage, elle et moi. Sur le trottoir, elle appelle les passants, mais le soutien, le cerveau, c'était moi. C'est la combine, et le cœur et l'argent. Quand un client venait, je rampais hors du lit, et j'allais boire un pot et j'étais très poli. Quand il casquait, je lui disais, monsieur, si le cœur vous en dit, allez vous gênez pas. Et j'ai connu six grands mois de bonheur en ce bordel où tenions notre état. Un soir, elle avorta. Ainsi passaient les plus beaux de nos jours en ce bordel où tenions notre état. Mmh. Laure Boixel, Éric Pérez, la balade du souteneur. Bonjour Éric Pérez. Bonjour. Bonjour Olivier Desbordes. Bonjour. Vous êtes le metteur en scène, je suis ravi de vous recevoir. Ça faisait tellement longtemps que je voulais vous recevoir sur la 42e rue. Parce que voilà, on fait à peu près la même, enfin, on travaille sur le même sujet. Vous, depuis bien plus longtemps que moi, depuis 85, vous avez créé une troupe qui s'appelle Opéra Éclaté. Et vous défendez le théâtre musical lyrique sous toutes ses formes. L'opéra de Katsu, c'était une évidence pour vous ? C'est l'évidence depuis des années, parce qu'on l'avait déjà monté il y a 25 ans avec Anna Prucnal. Et on adore cet ouvrage, parce que justement, c'est un peu un pont entre le théâtre et l'opéra. Je dois aussi préciser une chose, c'est que j'ai fait la mise en scène avec Éric Pérez. Éric Pérez, oui. Il y a des moments où je suis obligé de le mettre en scène, et des moments où il est beaucoup intervenu aussi. Voilà. Mais c'est notre passion. On a fait beaucoup d'opéra, mais notre passion, c'est d'être entre les deux genres. Quoi. De trouver, on a fait Cabaret, il y a 2 ans. On a fait Le Lac d'Argent, de Kurt Weill et Georges Kaiser, on essaye de faire découvrir au public ce répertoire passionnant de la comédie musicale de cette époque-là. De cette époque-là. Et pourquoi de cette époque-là, c'est vrai ? Parce que c'est un moment passionnant de l'histoire de la musique, d'abord, parce que je trouve que la musique de Kurt Weill ou la musique de ses contemporains est une musique très intéressante qui essaye de disjoindre le sens du texte avec la mélodie. Là, on vient d'entendre une très jolie mélodie avec un texte un peu épouvantable. C'est de voir comment la musique peut... des fois entraîné vers du sentimentalisme, alors que le texte, lui, dit des horreurs. Voilà. Et vous aimez particulièrement Kurt Weill, hein. Vous en avez mis plusieurs en scène. Hein. Ben, j'ai fait l'opéra de Katsu, et j'ai fait surtout aussi Le Lac d'Argent, qui était inconnu en France, qu'on a créé. Et puis, les contemporains de Kurt Weill, on avait fait Eslit in der Luft, un opéra de une revue de Spolianski, qui avait été jouée par Marlène Dietrich et Margot Lyon. Dans les mêmes années, voilà, on a fait plein de choses comme ça. Vous trouvez qu'il y a des résonances entre l'opéra de Katsu et ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ? Vous pensez que ça n'a pas changé finalement, le monde ? Quand on l'avait monté il y a 25 ans, on trouvait ça un peu ancien, quoi. On disait, voilà ce qui s'est passé dans le temps. Et là, quand on l'a remonté avec Eric, on s'est dit, c'est bizarre, ça résonne de plus en plus de manière actuelle. Et c'est assez effrayant finalement que le temps revienne, quoi. Qu'est-ce qui résonne, Eric Pérez, Olivier Desbordes, avec la période actuelle dans l'opéra de Katsu ? Bah, si je vous dis la dernière réplique que j'ai avant justement la balade de merci, où je parle des actions de sociétés anonymes, de la fondation d'une banque, qui est bien pire que le cambriolage d'une banque, il y a toute une tirade, mais qui est glaçante d'actualité, quoi. C'est impressionnant, vraiment. Et surtout les propos sur la situation économique, c'est assez frappant. Justement, notamment ces 2 dernières années, tout d'un coup, l'opéra de Katsu a pris une force incroyable, quoi, vraiment. Alors, ce qui m'a frappé quand j'ai vu le spectacle, c'était l'ambiance de cirque que vous avez installée. Au début, il y a des guirlandes, oui. Il y a presque une piste aux étoiles au centre, une sorte de monsieur loyal qui apparaît avec une grosse caisse. Et puis Maki, quand il est emprisonné, on a l'impression qu'il est dans une cage à éléphants. Pourquoi ce parti pris de cirque, Olivier Desbordes et Éric Pérez ? C'est Olivier qui aime énormément l'ambiance du cirque. Je crois que c'est lui quand même qui a voulu cette... Il adore les clowns, il adore le cirque. Dans pas mal de ses spectacles, il y a toujours une référence au cirque. Et c'est vraiment son idée. Le cirque, c'est son idée. Et puis en plus, je pense simplement, c'est le souci du sujet. C'est-à-dire que c'est pas une pièce psychologique, c'est une pièce où il y a des numéros, qui est une pièce un peu anarchique. Qui est construite de manière comme des sketchs, avec des scènes de genre. Il n'y a pas de continuité vraiment des personnages. Donc j'en ai fait des numéros comme ça. Là, on montre la misère humaine. Là, on montre tel ou tel défaut des hommes. Et puis l'histoire est un prétexte, en fait. Et puis en plus, on a travaillé... C'est quand même très, très bien écrit. Hein. Oui, super. Mais on a travaillé un peu là sur le cirque romano, un peu interlope... Des gitans, on essayait de mettre ça dans cet univers-là. Alors le prochain numéro, eh bien, c'est le numéro d'une femme. On va maintenant rencontrer en fait le roi des mendiants dans cette ville de Londres au XIXe siècle, puisque c'est l'opéra de Katsu se déroule à Londres au XIXe siècle, période de grande corruption. Et on va rencontrer précisément sa fille, elle s'appelle Polly Pitcham. Elle vient de rencontrer et tomber complètement folle amoureuse de Maki le surineur. Et voilà, il se marie, et à la demande générale, durant ce mariage un peu loufoque, un peu bizarre, tout le monde lui demande de raconter un récit. Elle va se lancer dans ce récit amer, intitulé « La fiancée du pirate ». C'est Ananda Setanen qui incarne Polly Pitcham sur scène, et qui est ce matin en direct sur la 42e rue de France Musique, accompagnée par Manuel Peskin et Alice Oquet. messieurs, dames, aujourd'hui vous me voyez rincer les verres, faire les lits, récurer par terre. Quand on me donne un penny, je dis poliment merci, je grelotte dans mes loques, dans cet hôtel de misère. Et vous ne devinez pas qui je suis. Et vous ne devinez pas qui je suis. Mais voilà qu'un soir monteront du port des cris de haine et de peur, des cris d'horreur et de mort. Alors vous me verrez sourire sans rien dire. Vous direz, qu'a-t-elle donc à sourire? Le navire des corsaires, toute voile dehors, mouillera dans le port. On me dit, mon enfant, fais tes vers, fais mon lit. On me donne un malheureux penny. Et le penny, je le prends, et puis je vais faire mon lit. Mais personne cette nuit ne dormira dans son lit. Et vous ne devinez pas qui je suis. Et vous ne devinez pas qui je suis. Mais ce soir, sur le port, à quelle clameur, je serai à ma fenêtre, me moquant de vos terreurs. Vous vous demanderez qu'est-il donc arrivé. Vous direz, pourquoi ce rire mauvais. Le navire des corsaires, découvrant ses sabords, canonnera le port. Ce jour-là, vers midi, 100 marins débarqueront et dans l'ombre ils avanceront. Alors ils vous prendront et ils vous enchaîneront. À genoux devant moi, ils vous aligneront. Ils me demanderont qui mettre à mort. Ils me demanderont qui mettre à mort. Ce jour-là, quel silence sur le port. Devant moi vous gémirez, devant moi vous tremblerez. Quand vous m'entendrez dire doucement, tu l'es tous. Et à chaque tête qui tombera, le navire des corsaires, toute voile dehors, m'emporte vers mon sort. Ananda Setanen. On avait apprécié Ananda Setanen aussi dans Lost in the Stars de Kurt Weill, que vous avez mis en scène, Olivier Desbordes. Il y a quelques années, on l'a vu aussi dans Swinging Life, un spectacle à Paris à l'Alhambra. Et elle vient de faire paraître un album solo de musique folk qu'elle a écrit et composé qui s'intitule In a Dance of Time. Ça paraîtra très prochainement. Ananda qui se proposera en septembre un récital théâtral autour de la musique noire américaine au Festival America à Vincennes. Alors, l'opéra de Katsu, en 1928, c'est une satire de la vie politique en Allemagne et de la République de Weimar. On brocarde la corruption, même si c'est situé, la pièce, dans le Londres du XIXe siècle. Eh bien, cette corruption, elle est exprimée par un fameux duo entre Mackie, le brigand, le surineur, et son grand copain d'enfance, le chef de la police. Un chant du canon célèbre où il se rappelle du temps où il faisait campagne dans l'armée des Indes. Une musique empreinte de ragtime, voilà, légère, qui évoque aussi cette Allemagne des années 30. Celui qui incarne le chef de la police, vous le connaissez parce qu'il était co-réalisateur d'un film dont on a beaucoup parlé à Cannes l'an dernier, Party Girl. Il est acteur, comédien, chanteur. Il est comédien aussi dans la série Un village français. Et puis Éric Pérez, eh bien, et donc Mackie, le surineur, le chant des canons en direct sur France Musique. Il y a avait Jim et puis il y avait John. Il était le chef de l'escouade. Mais dans l'armée, on n'est plus qu'un numéro. Et chacun, oui, chacun en prend pour son grade. Les soldats marchent, les canons crachent, du cap à Zanzibar. La pluie peut bien tomber, et on peut bien tomber sur des hordes barbares qui cherchent la bagarre. On en fera de la purée, du hachis, du steak tartare. John trouvait le whisky trop chaud. Et Jim avait toujours mal aux pattes. Mais Billy leur tapait dans le dos. T'en fais pas, on les aura tous, ces pirates. Les soldats marchent, les canons crachent, du cap à Zanzibar. La pluie peut bien tomber, et on peut bien tomber sur des hordes barbares qui chercheraient la bagarre. On en fera la purée, du hachis, du steak tartare. John est tombé et Jim a disparu. Et Billy a passé l'arme à gauche. Le sang coule de plus en plus. Engagez-vous les gars, l'armée embauche. Les soldats marchent, les canons crachent, du cap à Zanzibar. La pluie peut bien tomber et on peut bien tomber sur les hordes barbares. Cherchez la bagarre, on offre de la purée, du hachis, du steak tartare. Le chant des canons. Éric Pérez et Samuel Tess, qui sera cet été à Avignon dans un spectacle autour de Pasolini. Ça s'intitule Une vitalité désespérée. Ça sera mis en scène par Christophe Perton. Bonjour Nicole Croisy. Bonjour. Vous êtes presque une habituée de la 42e rue, parce qu'en une saison, vous en aurez fait deux concerts chez nous. Ben oui, j'en ai jamais autant fait ici, mais ça me rappelle mes premières années où je traversais la rue pour venir faire les petites émissions de promotion, et même d'autres émissions. Mais là, c'est très agréable parce que je vois que la salle est pleine et je remercie tous ces amoureux de la musique parce que franchement, tôt le dimanche matin, il faut le faire. Alors, est-ce qu'on peut dire que vous n'êtes pas vraiment à votre avantage dans l'opéra de Katsu? Comment il vous a déguisé? Je ne suis pas sexuellement attirante. mais c'est très amusant de jouer les harpies. Parce que en réalité, je l'ai découvert au fur et à mesure. On en avait parlé avec justement Éric Pérez, mais assez peu avec Olivier, puisque Olivier, il aime plutôt le côté déconneur que je peux avoir. Donc ça l'a amusé de découvrir que je pouvais être quelqu'un de tout à fait différent des chansons qui ont été choisies par le public au cours des années. Et donc j'ai découvert quand même que c'est grâce à la méchanceté de cette femme et surtout à la jalousie et l'amertume qu'elle ressent à ne pas être celle que Maki choisit, puisque contrairement à ce qu'elle espérait, c'est sa fille qu'il va prendre et qu'il va vouloir épouser. Donc elle est vraiment très blessée de ça. Elle vit avec un espèce de gros machin qui ne la touche plus, c'est clair, et qui gère son business et qui est très très religieusement enfermée dans sa morale. Et donc elle s'ennuie fortement, elle fait le boulot. Mais elle va évidemment causer la perte de Maki. Et en fait, c'est parce qu'elle œuvre en coulisses qu'elle va finir par le faire tomber. Je disais que vous n'étiez pas à votre avantage. Vous avez un turban sur la tête à un moment où vous avez une blouse rose. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord déjà dans Cabaret. On s'est mis d'accord avec Olivier. Le personnage, il faut qu'il soit très clairement identifiable. Quand on arrive sur le plateau. Alors, quand je chante Maki, évidemment, j'ai déjà le foulard sur la tête, donc là, tout le monde doit se demander pourquoi je suis attifée comme ça. Mais on comprend après, par la suite. Je ne suis pas servie avec des vêtements très glamour. Et maintenant, on va avoir la preuve aussi que vous avez un tempérament de fer sur scène. Je vous laisse aller au micro pendant que j'introduis un petit peu la chanson une des chansons les plus amères du spectacle, interprétée donc par vous, Madame Pitchoum, la femme du roi des mendiants, furieuse, hein, voilà, sa fille est partie avec un brigand, Maki le surineur, et avec son mari donc, la vengeance est prête, il décide de dénoncer Maki à la police. Et pour dénicher Maki le surineur, eh bien, Madame Pitchoum connaît la faiblesse des hommes, elle va aller soudoyer une des prostituées de la maison close, où il a ses habitudes, une balade intitulée « La balade de l'asservissement sexuel ». Nicole Croisille, en direct sur France Musique, sur la 42e rue, accompagnée par Manuel Peschino piano et Alice Hoquet à la contrebasse. En voici un, c'est le diable en personne. Grand surineur, toujours tout feu, tout flamme. C'est un bourreau qui jamais ne pardonne. Qu'est-ce qui le perdra un beau jour? Les femmes. Bon gré, mal gré, il marche à tous les coups. Le voilà bien, l'esclavage d'essence. Il crache sur la Bible et le code, il s'en fout. Mais il se dit, car il a du bon sens, les femmes, je ne peux leur résister. Aussi, je vais les éviter. Mais dès le soir, il a le vague à l'âme. Avant la nuit, il ira chez ses dames. Plus d'un génie s'est perdu chez les filles. Plus d'un malin s'est dit, quelle folie. Moi, je vous dis, c'est bien à tort qu'ils rient. Leur tour venu, qui aura leur peau? Les filles. Bon gré, mal gré, ils marchent à tous les coups. Le voilà bien, l'esclavage d'essence. L'un réforme le code, l'autre voit Dieu partout. Anarchétien, les mots n'ont plus de sens. Le matin, on est plein de bonheur, résolution. À midi, on balaye toutes les tentations. Mais dès le soir, on a le vague à l'âme. Avant la nuit, on ira chez ses dames. En voici un, hein. Il est presque pendu. La corde est prête, il va rendre son âme. Sa vie ne tient plus qu'à un fil ténu. Qu'a-t-il en tête l'invincible, les putes? Il ne pense qu'à ça, sous la potence. Le voilà bien, l'esclavage des sens. Son compte est bon, trahi par les putains. Il a vu dans leurs mains les deniers de Judas. Il ne commence juste à comprendre que leur vagin sera sa tombe. Il a beau se débattre, implorer l'Éternel, avant la nuit, il se rendra chez elle. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Nicole Croisille, qui reprend son rôle dans Irma la Douce au festival d'Anjou à Douai-la-Fontaine les 16, 17 et 18 juin, qui sera cet été avec Irma la Douce à Fréjus, Sisteron et Ramatuel. Et puis vous serez le 3 septembre au Théâtre du Rond-Point pour une soirée hommage à Éric Satie. Ça sera sous la houlette de Pierre Note. On aura le temps d'en reparler. Rencontrons maintenant cet effroyable personnage, vous l'avez bien décrit Nicole, votre époux, Le roi des mendiants, il s'appelle Monsieur Pitchoum, il règne sur la ville. Il fournit aux mendiants tout l'équipement possible pour attendrir les habitants. Voilà, les faux moignons, les béquilles. Il demande juste un petit pourcentage. Bon, c'est normal. Furieux que Maki ait épousé sa fille, il décide donc de le dénoncer à la police. Et pour forcer la main au chef de la police, il menace de lancer dans la ville, lors du couronnement de la reine, un essaim de mendiants. C'est une chanson intitulée « Le chant de la vanité de l'effort humain ». Et celui qui tient ce rôle très difficile quand même, il s'appelle Patrick Zimmermann. Chacun vit de sa tête, mais il faut être fou pour croire qu'une tête peut nourrir plus d'un pou. Car pour cette vie, l'homme n'est pas assez malin. De ruse et fourberie, le monde en est plein. L'homme se croit très fort, fait des plans d'avenir. L'homme s'épuise en vains efforts sans jamais réussir. Car pour cette vie, l'homme n'est pas assez méchant. Il vaut mieux faire envie que pitié aux gens. On poursuit le bonheur et le bonheur s'enfuit. Tandis qu'on court avec ardeur, le bonheur vous poursuit. Car pour cette vie, l'homme est bien trop exigeant. Trop souvent il oublie qu'on ne vit qu'un temps. La chanson de Monsieur Pitchoum, interprétée par Patrick Zimmermann. Olivier Desbordes, on peut un petit peu raconter l'histoire d'Opéra éclatée. Elle est née comment, cette structure qui est complètement décentralisée? En fait, elle est née du Festival de Saint-Céré, où on faisait de l'opéra. Mmh. Et puis, en 85, la région Midi-Pyrénées nous a demandé de faire de la décentralisation avec ce qu'on faisait à Saint-Céré, et d'aller sur les routes de France porter l'opéra dans les villes où il n'y en avait pas. Voilà. Et on a commencé. Et ensuite, on s'est consacré aussi... aux jeunes chanteurs, aux jeunes talents, repérer des jeunes. Vous tenez la main de Nicole. Comme Nicole. Ouais. Et puis leur donner la possibilité de rencontrer le public. Voilà. Et puis depuis ces années-là, ça marche d'enfer. On fait 40 ou 50 villes par an. Non, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi bien mettre en scène avec Éric Pérez, d'ailleurs, des opéras classiques, oui, de Donizetti, Le Barbier de Séville, La Flûte chantée, que la comédie musicale. En fait, c'est quoi l'esprit? Pourquoi ce mélange des genres? Éric Pérez, Olivier Desbordes. Parce que, oui. Parce qu'il est fou. Parce que, on vous dira, c'est pas les mêmes chanteurs, c'est pas les mêmes. Parce que je pense que quand on fait de l'expression artistique, on a envie d'ouvrir l'esprit des gens et d'ouvrir sur notre esprit. Et je pense que rester que dans l'opéra, ça fait des gens un peu aigris ou un peu resserrés sur eux-mêmes et qu'il faut avoir l'esprit ouvert sur tous les genres, toutes les musiques. Moi, j'ai dirigé un festival de musique classique et en fait, de petit à petit, je l'ai ouvert au fur et à mesure pour essayer de créer des rencontres et d'ouvrir aussi l'esprit au public et à la curiosité. Et on choisit quand même particulièrement les opéras, alors qu'on va sur le domaine de l'opéra, on choisit les choses les plus connues peut-être pour... C'est sûr qu'on choisit des opéras grand public. Ouais. Et après, à partir de ces opéras grand public, on s'est servi après de ça pour essayer de faire découvrir aux gens, au contraire, du théâtre musical ou de la comédie musicale, un petit peu soit inconnu, soit moins connu. Quoi. Et on met en scène pareillement un opéra qu'une comédie musicale, Olivier Desbordes et Éric Pérez. Oui, on raconte une histoire, que ce soit un opéra ou une comédie musicale, c'est toujours raconter une histoire. Et non, il n'y a pas de différence pour nous, pas du tout, soit de l'opéra, soit du théâtre musical, c'est pareil. Alors on est aussi avec Manuel Peskin, qui est le directeur musical de l'opéra de Katsu, bonjour. Bonjour. Qui est derrière son piano. Vous n'arrêtez pas, alors vous avez fait une orchestration un petit peu particulière et... original pour nous ce matin, je me trompe? Ah, aujourd'hui, oui, on ne pouvait pas venir avec tout l'orchestre. Et puis je trouvais que la réduction piano était toujours un peu plate, d'avoir que juste un piano voix. Du coup, on est venu avec la contrebassiste d'Opéra éclatée. Et du coup, on a adapté un petit peu nos arrangements. Et par exemple, dans la chanson que nous allons entendre dans un instant, racontez-moi un petit peu ce que vous avez fait subir au piano. Alors ça, j'ai beaucoup de griefs contre un piano tout simple. Je trouve que ça manque un peu de relief. Et du coup, là, pour la balade de Merci, il y a quand même Il y a des petites notes qui vont être un petit peu trafiquées pour se rapprocher de sons de cloche ou de glas. Et comment on fait ça avec un piano ? Oh ben, en mettant n'importe quel objet dedans, il suffit d'ouvrir sa boîte à outils et de trouver des choses. En l'occurrence, des micros. Là, il y a quelques vis. On va découvrir dans un instant ce que ça donne. Comment vous décririez-vous la musique de l'opéra de Katsu ? Vous êtes, Manuel, vous êtes compositeur, vous avez écrit des musiques de scène pour Le Porteur d'Histoire, le spectacle de Alexis Michalik. Vous avez écrit des musiques pour des films. Mais comment on pourrait décrire cette musique de l'opéra de Katsu ? Alors, il y a différentes facettes dans la musique, parce que il y a les musiques, il faut distinguer les musiques plus opératiques qui sont dans l'ouverture et dans le final des différents actes, et des chansons qui sont plus des musiques populaires. Dans les deux cas, il y a toujours un rapport à la musique populaire. Enfin, une des questions que je me posais au début, c'est aujourd'hui on entend l'opéra de Katsu comme un nom propre, mais c'était quand même c'est une expression à Katsu. Aujourd'hui, on appellerait ça l'opéra à deux balles. Et donc, il y a un peu un côté, on va essayer de faire un opéra avec deux balles. Et donc, même dans les musiques plus opératiques, comme dans l'ouverture, c'est quand même c'est plus un orchestre de fanfare qui joue ça. Alors, ça commence, c'est maestoso, c'est un peu grandiloquent. Et puis, tout à coup, il y a le banjo qui vient ponctuer les coups de timbales. Donc, dans la dimension plus classique, on essaye de mettre, il y a même une petite fugue dans l'ouverture qui est commencée par le sax avec l'harmonium. Donc, il y a toujours un petit sourire de ce côté-là. Et le reste, c'est des musiques populaires, c'est des chansons qui sont adaptées par Kurt Weill. Alors, on va écouter votre piano trafiqué avec un moment extrêmement émouvant de l'opéra de Katsu. En fait, voilà, on va directement à la fin de l'histoire. Pardonnez-moi, bon, il faut aller voir le spectacle. Maki va bientôt être pendu parce qu'il a été arrêté grâce à Madame Pichoum. Et dans cette chanson, extrêmement inspiré de la balade des pendus de François Villon, il demande pardon. C'est une chanson qui s'intitule La balade de merci. Éric Pérez, en direct sur France Musique. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez le cœur contre nous endurci. Ne riez pas quand nous apercevez tout décharné, car tel serait aussi ne condamner ceux qui furent toxiques par justice, car justice varie et tous hommes n'ont pas bon sens racis. Tirez le son de nos eaux tout en poudre. De notre mal, personne ne se rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. La pluie nous a ravinés et lavés. Et morte cette chair trop bien nourrie. Nos yeux gourmands, nos yeux luisants d'envie. Corbeaux les ont à coups de bec crevés. Nous avons cherché à nous élever. Ces fèves, voyez flotter nos chairs pourries, comme rebuts jetés à la voirie. Plus bec que tes doigts que des accoudres, ne soyez donc de notre confrérie. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Affillette, montrant éteint pour avoir plus largement honte. À voyous, coureurs de putains, vivant grassement de leur honte. À fous et folles, sons et socs, tirelles, tueurs endurcis, tartives et fausses dévotes. Je crie. Tous, ayez merci. Mais les salauds de la police et ceux qui leur prêtent main forte, tous ces bavards pleins de malice, que tous les diables les emportent. Mais déjà le bourreau m'appelle, ils sont les plus forts, c'est ainsi. Je merci, cassé à grands coups de marteau. Leur sale gueule sans merci, le reste l'oublierai bientôt. Écris à tous, ayez merci. Éric Pérez, la balade de merci en direct au studio 105 à France Musique. Alors voici maintenant, vous avez demandé, ils reviennent sous l'acclamation générale, c'est monsieur et madame Pitchoum, Patrick Zimmermann, Nicole Croisille, furieux qui viennent d'apprendre que leur fille a découché et est partie avec le chef des brigands. La chanson parle de l'ingratitude des filles amoureuses. C'est à vous. Au lieu de dormir bien gentiment dans leur chaste couche, faut qu'elles découchent, comme si les alouettes leur tombaient toutes rôties dans la bouche. Ça vient de la lune sur Sceaux, ça vient de leur sacré, sens-tu bien mon cœur comme il bat, ça vient de leur Johnny, oui j'irai où tu iras Johnny. Quand la lune et l'amour brillent sur Sceaux. Au lieu de travailler pour nous rapporter quelques sous, faut qu'elles s'amusent. Bien sûr, elles finissent par crever dans la boue. Où est la lune sur Sceaux? Où sont leurs sacrés? Sans toi, mon cœur comme il bat. Mais où sont-ils leurs Johnny? Oui, j'irai où tu iras, Johnny. Quand la lune et l'amour meurent sur Sceaux. Merci Nicole Croisille, merci Patrick Zimmermann. On retrouve en direct du studio 105 la troupe de l'opéra de Katsu dans un instant, mais on reste à Londres, ou plutôt nous vous y invitons. Alors pas de corruption ici, France Musique, 42e rue, en partenariat avec nos partenaires. La Société des Théâtres de Londres et Eurostar vous invite à Londres chaque semaine jusqu'au 13 avril. Nous vous offrons deux voyages pour deux personnes de Paris à Londres pour assister à une comédie musicale. La semaine dernière, on vous invitait à aller voir Kinky Boots, qui entre-temps a reçu le prix Laurence Olivier Award de la meilleure comédie musicale de l'année à Londres. Il fallait répondre aux questions suivantes. Eh bien, quel rôle interprétait Harvey Fierstein, le librettiste de Kinky Boots, dans la comédie musicale Hairspray? Eh bien, il interprétait le rôle de Edna Turnblad. Quant à Cyndi Lauper, qui n'est pas le premier compositeur pop à écrire une comédie musicale, on vous demandait comment s'appelle par exemple la comédie musicale de Sting l'an dernier à Broadway. Ça s'intitulait The Last Ship. Alors voilà, on a tiré au sort, juste avant l'émission, les gagnants de la semaine dernière. Il s'agit de Jonathan Malgon à Carrières-sous-Poissy dans les Yvelines et de Marianne Pardiac à Langon en Haute-Garonne. Bravo à tous les deux, vous pouvez préparer votre sac pour le samedi 28 mai. Cette semaine, dernière proposition, voici un spectacle qui l'an prochain ouvrira à Broadway. Charlie à la chocolaterie, d'après le célèbre livre pour enfants de Roald Dahl au Drury Lane Theatre. C'est l'histoire d'un enfant, vous connaissez l'histoire, qui vit dans la misère en Angleterre, qui gagne un ticket dans une tablette de chocolat, un ticket qui lui permet de rentrer dans une fameuse chocolaterie et de rencontrer son patron, Willy Wonka. nous vous invitons à aller voir cette comédie musicale qui n'est pas inspirée du film de Tim Burton où Johnny Depp incarnait Willy Wonka. J'ai demandé à l'un des acteurs de Charlie et la chocolaterie à Londres, Barry James, il incarne chaque soir le grand-père de Charlie, si la comédie musicale avait donc des similitudes avec le film de Tim Burton. La bande originale du film de Tim Burton est radicalement différente de matériaux que nous avons travaillés. La partition est complètement différente chez nous. Et du reste, c'est encore différent par rapport au film d'origine avec Gene Wilder. Vous voyez, donc il n'y a pas du tout de point commun avec le spectacle que nous montons à Londres. Il y a beaucoup d'enfants qui s'identifient à tout ça. Ils s'identifient à Charlie. Ils s'identifient à toute cette excitation de l'histoire. Et pour le spectacle, c'est extraordinaire. Les décors sont formidables. Et puis il y a des illusions, mais je n'ai pas le droit de vous en parler, des illusions qui vous coupent le souffle. C'est un chouette spectacle. How would you describe the beginning of the show where we see you? Le début du spectacle avec moi, c'est pas la scène la plus merveilleuse. Il y a un lit, c'est dans un cabanon. Le cabanon, il est un peu délabré, vous voyez. Il y a une pièce unique. Et puis, ils sont mourants, les personnages. Les quatre personnages, là, ils sont très, très vieux au début. Bref, Grandpa Joe, lui, est très enthousiasmé par Charlie et il aime bien tout illustrer pour Charlie. Donc, il lui raconte des tas d'histoires qui, évidemment, ne sont pas tout à fait vraies. Mais lui, il y croit. Et parce qu'il y croit, eh bien, Charlie y croit aussi. Mais c'est obscur, c'est sombre au début. Et dans l'acte 2, lorsque l'on rencontre le personnage de Willy Wonka, le patron de la chocolaterie, là, c'est génial, là, c'est formidable. Là, il y a de très, très belles couleurs et l'imagination de l'enfant n'a qu'à se laisser aller là-dedans, c'est formidable. Charlie, get my uniform from high upon the shelf and dust off all the years since it's been worn. I admit for quite a while I haven't been myself. But spread the news, a new Joe has been born. Though I haven't walked in years, change my oil and check my gears, give my hair a clip and whip my shaving cream. But don't you pinch me, Charlie. I don't wanna wake up from this golden dream. Hold your breath. Make a wish. Count to three. Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Welcome aboard my great glass elevator. Wow! Push that button. The one marked don't push? That's the one. Something crazy's going to happen now, isn't it? How did you guess? We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What you'll see will defy explanation. Where are we going? Up, up, up. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to, do it. Want to change the world? There's nothing to it. Time to open your eyes and take a look around. There is no life I know to compare with pure imagination. Living here, you'll be free if you truly wish to be. Look, Charlie, down there, my factory, do you see? Yes, Mr. Wonka. I love my chocolate factory, Charlie. I love it more than anything else in the world. So do I, Mr. Wonka. So do I. Well, I'm very glad you said that. I'm very glad indeed. Do you want to know why? Why? Because my chocolate factory is your special prize. But, Mr. Wonka, why would you want to give away your factory? Oh, I'm an old man, Charlie. I'm a lot older than you think. I can't keep running my factory forever. I've got to give it to someone new. And that someone, Charlie, is you. If you want a view paradise, simply look around and view it. Anything you want to, do it. Want to change the world? There's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly. C'est l'excellent acteur britannique Douglas Hodge qui avait créé le personnage de Willy Wonka dans cette adaptation de Charlie et la chocolaterie à Londres. La chanson s'intitule Pure Imagination. Elle avait été créée pour le film de 1971 par Leslie Briscus et Anthony Newley. Comme le rappelait Nicole Croisille, qui connaît bien la carrière de ces deux artistes. Alors cette semaine, on vous offre un voyage pour assister à Charlie et la chocolaterie à Londres. Pour jouer, il faut répondre à deux questions. Les voici. Quel autre livre de Roald Dahl, adapté en comédie musicale, est actuellement à l'affiche à Londres et à Broadway? Et puis deuxième question, qui a créé le rôle de Willy Wonka à Londres dans cette adaptation en comédie musicale de Charlie et la chocolaterie? Vous connaissez les réponses. Direction la page de 42e rue sur francemusique.fr. Vous cliquez sur le lien qui vous amène à la page du concours. Vous avez jusqu'à mercredi soir. Tirage au sort dimanche prochain. Bonne chance à tous. Laurent Vallière, 42e rue, France Musique. Et retour à notre cabaret 42e rue en direct au studio 105 avec la troupe de l'opéra de Katsu. Je vous propose pour conclure une magnifique ballade. La fille de Monsieur Madame Pitchum, Polly, explique à ses parents qu'elle a choisi de partager sa vie avec Maki le surineur, Ananda Setanen. Voilà bien longtemps quand j'étais sans péché, je le fus, croyez-moi, comme vous. Je rêvais de l'homme qui viendrait me chercher. Que lui dirais-je au premier rendez-vous? S'il est vraiment charmant et s'il est riche, si son col, même l'en semaine, est sale, s'il parle bien, s'il s'habille chez un tailleur chic, moi, je lui dirais non. Je ne serai pas intimidée. Bien sûr, le ciel sera plein d'étoiles. Bien sûr, le navire y sera la grand voile. Mais je connais la chanson. On ne peut pas se mettre au lit sans façon. Se je répondrai non. Du nord est venu le premier soupirant. Il était tout à fait comme il faut. Le deuxième avait trois navires marchands. Et le dernier, lui m'avait dans la peau. Comme ils étaient charmants et tous très riches. Que leur col en semaine était blanc, qu'il parlait bien, qu'il s'habillait chez un tailleur chic. Moi, je leur ai dit non. Et je n'étais pas intimidée, je savais leur résister. Bien sûr, le ciel était plein d'étoiles. Bien sûr, le navire avait hissé ses voiles. Mais je connais la chanson. On ne peut pas se mettre au lit sans façon, se donner pour un oui, pour un non. Pour me rendre, je peux attendre sans crainte. J'ai répondu non. Et puis, un beau jour, par un grand soleil fou, est venu celui que j'attendais. Sitôt dans ma chambre, il a mis le verrou et je ne savais plus où j'en étais. Il n'était pas charmant, pas du tout riche. Et son col, le dimanche, était sale. Ses vêtements mal coupés étaient vraiment banals. Mais je n'ai plus dit non. J'étais tout à fait intimidée, je n'ai pas su lui résister. Bien sûr, le ciel était plein d'étoiles. Bien sûr, le navire avait hissé ses voiles. Et j'ai perdu la raison. On n'avait plus qu'à se mettre au lit sans façon, se donner pour un oui, pour un non. Pour me rendre, pourquoi attendre sans. Je n'ai plus dit non. Le Barbara lead dans l'opéra de Katsu par Ananda Setanen. Merci à toute la troupe de l'opéra de Katsu venue ce matin en direct. À France Musique, Ananda Setanen, Nicole Croisy, Flore Boixel, Éric Perret, Samuel Tess, Patrick Zimmermann, le metteur en scène Olivier Desbordes et au piano Manuel Peskine. À la contrebasse, Alice Hockey, l'opéra de Katsu, vous pourrez découvrir le 20 avril au Théâtre de Cahors, le 17 et le 18 mai à Blagnac à Audi-Sud, cet été au festival de Figeac, de Sorèze, de Saint-Céré et en tournée encore la saison prochaine. Plus d'informations, de toute façon, c'est sur la page de 42e rue, francemusique.fr. Notez que le prochain cabaret 42e rue aura lieu dimanche 15 mai à Radio France. Nous aurons le plaisir de donner carte blanche au comédien, chanteur, artiste Vincent Eden. Réservation maisondelaradio.fr. Merci à Valérie Lavalla, Sacha Trop, Martin Delafosse, Stéphane Touvenin, Guillaume Ledu, Perrine Mingui, Martine Moni. Très bon dimanche à France Musique.